Corps de chasse, de Algol, de Guillaume Apollinaire. Enregistré pour LibriVox.org. Corps de chasse. Notre histoire est noble et tragique, comme le masque d'un tyran, nul drame hasardeux ou magique, aucun détail indifférent ne rend notre amour pathétique. Et Thomas de Quincey, buvant l'opium poison doux et chaste, à sa pauvre âne allait rêvant, passant, passant, puisque tout passe, je me retournerai souvent. Les souvenirs sont corps de chasse, d'en meurt le bruit parmi le vent. Fin du poème, enregistré par Sonia. Cet enregistrement fait partie du domaine public.